la société. Mais qu'est-ce que ça va changer? La magie va s'installer et la nature va tomber. Leur font peur. Les fréquences sont changées et tout va continuer. Et quel côté peut-on aller sans se sentir divisé? La moitié du monde entier est bien prêt à se rhabiller. Plus tellement d'années, personne ne peut plus s'en passer. Ces sons-là dans ma tête, notre silence me font peur. Les fréquences sont changées et tout va continuer dans le grand chemin de la vie. Le cycle soufflé se suit, les premiers coups de minuit, les premiers signes de la vie, et la vie va se transformer, le bonheur va s'installer. Ces sons-là dans ma tête, silence me font peur. Les fréquences sont changées et tout va continuer depuis plus quelques années. Le système s'est emparé de l'élite de la société. Mais qu'est-ce que ça va changer? La magie va s'installer et la nature va tourner. Ces sons-là dans ma tête, un silence la font peur. Les fréquences sont changées et tout va continuer. Dans ma tête, un silence le font pas. Les fréquences sont changées et tout va continuer.